Donc vous avez déposé en mai 2013 les enregistrements oraux à la phonothèque de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme d'Aix-en-Provence. Pourquoi ? Pourquoi les avoir déposés ? Je les ai déposés avec une perspective de sauvegarde. Ces bandes, elles avaient été rangées, puis elles avaient été perdues quand on a déménagé en 2000. On a déménagé ici en 2000. Et je les avais cherchées pour les proposer à une chercheure historienne. Elles ont été faites pour de la recherche. Et moi, dans ma conception, c'est un corpus qui peut servir à des chercheurs de différents niveaux, des chercheurs sur différents sujets ou de différentes spécialités, mais c'est quand même destiné à la recherche. Donc, j'avais pensé, à l'époque, il y avait Chantal Verdeil, qui était à Lyon, et qui faisait sa thèse, qui terminait sa thèse sur, je crois, le rapport des Français... Français au Liban à travers les établissements d'enseignement religieux ou les établissements d'enseignement. Donc je pensais qu'il y avait des choses qui dans la ça c'était dans les années 2010, donc c'était bien après, mais je pensais que les bandes pouvaient intéresser. Et j'ai cherché ces bandes, je ne les ai pas retrouvées. Et puis en 2013, par hasard, en rangeant, je suis retombée sur les cartons où il y avait ces bandes. Et donc, ma première préoccupation, c'était, on avait gardé l'UR, on avait gardé le magnétophone avec lequel on les avait faites, recueillies. Et ça a été de voir si on pouvait les écouter. Elles avaient 35 ans, ou 40, enfin en 2013, ça faisait oui, 35 ans. Est-ce qu'elles étaient audibles? Est-ce qu'elles n'étaient pas audibles? Est-ce que ce matériau-là pouvait être sauvegardé?